te plaît quand je pleure, ne me regarde pas, détourne le bonheur, fais semblant que ça va, même si c'est pour une heure, et gay. Conduis des farandoles, de folles gaudrioles, éclaire un peu les nuits, papaye carambole, exotisme et puis, et gay. Et gay sans discernement, comme on aime éperdument, de la terre au firmament, et gay absolument. S'il te plaît, quand j'ai peur, ne me regarde pas, détourne les douleurs, fais semblant que ça va, même si c'est pour une heure, et gay. Habille-toi de robe à fleurs, donne de la splendeur, brille jusqu'à l'asphyxie, déborde trop de vie, déborde, je t'en supplie. Égay sans discernement, comme on aime éperdument, de la terre au firmament, égay absolument. S'il te plaît, quand je pleure, ne me regarde pas, détourne le bonheur, fais semblant que ça va, même si c'est pour une heure, égay. Égay sans discernement, comme on aime éperdument, de la terre au firmament, égay absolument.